L'aura mentale. L'aura mentale fait référence à un champ d'énergie subtil qui entoure et interagit avec le corps physique, reflétant l'état mental, émotionnel et spirituel d'une personne. Elle est souvent décrite comme une enveloppe énergétique qui émane du corps et qui est composée de vibrations et de couleurs spécifiques. L'aura mentale est associée à la pensée, à la conscience, à l'intellect et aux processus mentaux d'une personne. Elle est considérée comme le reflet de la qualité de la pensée, des schémas de pensée, des croyances et des intentions d'une personne. Lorsque la personne est mentalement claire, calme et concentrée, son aura mentale est souvent décrite comme étant lumineuse, équilibrée et harmonieuse. La couleur de l'aura mentale peut varier en fonction de l'état d'esprit et des émotions de la personne. Par exemple, une personne ayant des pensées positives et une attitude optimiste peut avoir une aura mentale de couleur vive, telle que le jaune vif ou le blanc brillant. En revanche, une personne qui est préoccupée, stressée ou triste peut présenter une aura mentale de couleur terne ou foncée. L'aura mentale est souvent considérée comme étroitement liée à d'autres couches de l'aura, telles que l'aura émotionnelle et l'aura spirituelle. Ces différentes couches interagissent et influencent mutuellement, reflétant l'état global d'une personne sur les plans mental, émotionnel et spirituel. Certaines personnes possèdent une sensibilité naturelle ou développent des capacités spéciales pour percevoir et interpréter les auras, y compris l'aura mentale. Elles peuvent les observer visuellement, les ressentir intuitivement ou utiliser des techniques spécifiques telles que la méditation ou la pratique de certaines formes de guérison énergétique pour se connecter à l'aura mentale. L'aura mentale est composée de plusieurs couches, voici lesquelles. L'aura mentale est en effet composée de plusieurs couches, chacune ayant sa propre signification et sa propre fonction. Les cinq couches principales de l'aura mentale sont les suivantes. 1. La couche physique. Cette couche est la plus proche du corps physique et reflète l'état de santé physique et les sensations physiques de la personne. 2. La couche émotionnelle. Cette couche reflète les émotions et les sentiments de la personne, ainsi que sa capacité à les gérer. 3. La couche mentale. Cette couche reflète la pensée et l'intellect de la personne, ainsi que sa capacité à raisonner et à résoudre des problèmes. 4. La couche spirituelle. Cette couche reflète la connexion de la personne avec le divin et l'univers, ainsi que sa capacité à se connecter avec les autres sur un niveau spirituel. 5. La couche éthérique. Cette couche est la plus éloignée du corps physique et reflète l'énergie vitale de la personne, ainsi que sa capacité à se connecter avec l'énergie universelle. Page 46, 3, nous allons parler de l'aura émotionnelle. Page 46, 3.